Seigneur, la voix du solitaire est faible. Parle toi-même à tes enfants, je t'en supplie. Le chant du monde éclate à leurs oreilles et les rend sourds à mes supplications. Des villes et le pacte trahi pour l'alliance étrangère. Où sont les présages certains? Quelle est cette ombre rouge qui nous couvre? Ô Seigneur, aie pitié de nous.